la fuite devant les Chéléens. Aoun, Zour et les femmes fuyaient. Depuis une semaine, ils étaient poursuivis par la horde chéléenne. Une femme l'avait signalé d'abord, et du haut d'un massif rocheux, Aoun avait compté près de 30 hommes. À cause du Wa, la marche des fugitifs était retardée, mais Ouch connaissait des détours à travers la sylve ou les marécages, et Zour inventait des stratagèmes pour égarer l'ennemi. Chaque fois qu'un cours d'eau était peu profond, on marchait dans le lit vers l'aval ou l'amont. À plusieurs reprises, Ouch ou Aoun mirent le feu aux herbes sèches à travers lesquelles on avait cheminé. Ainsi, les Chiléens perdaient la trace. Nombreux et opiniâtres, ils se dispersaient pour la retrouver. Le huitième jour, la troupe traversa la rivière torrentueuse au bord de laquelle Aoun avait quitté les Lémuriens. Loulambre aurait voulu marcher vers l'amont. Ouch indiqua une route plus sûre, et ils remontèrent au sud du plateau. Le jour de la lune nouvelle vint, sans qu'on eût revu les Chéléens. La halte fut heureuse, c'était dans la jungle, car peu à peu les fugitifs avaient obliqué vers la plaine, et on approchait du fleuve. D'immenses bambous enveloppaient l'éclaircie. Le jour était clair encore. Hommes et femmes préparaient le bûcher et construisaient un refuge d'épines, de lianes ou de tiges. Le jour rouge suivit le jour d'ambre. Une haleine fine semblait rejoindre les nuages. On entendait le bruissement des végétaux innombrables, et l'âme d'Aoun s'emplit d'une douceur solennelle. Cette même faiblesse qui lui faisait donner la vie aux vaincus le rendait tendre auprès de Djéa aux épaules flexibles. Sa force se sentait peureuse devant les lourds cheveux ou la lueur charmante des prunelles. Sa crainte était plus enivrante qu'une victoire. Des rêves couraient en lui, obscurs et fugitifs. Parfois, lorsqu'il songeait que le consentement d'Ouch était nécessaire, la violence des Oulambres secouait ses côtes, et il se révoltait contre la possibilité d'un refus. Mais au fond, il se soumettait aux coutumes de ses femmes, qui partageaient ses périls. Quand les étoiles parurent entre les bambous, il joignit la femme chef qui finissait son repas et demanda « Ouch me donnera-t-elle Djéa comme femme ?» Ouch, ayant compris, demeurait indécise. Les lois de sa race étaient anciennes. À force de se répéter, elles avaient pris de la force et de la précision. Les femmes de la horde ne devaient s'unir ni aux Chéléens ni aux Lémuriens. Mais le malheur avait apporté une incertitude profonde. Ouch ignorait s'il y avait encore des hommes de sa race, et Aoun était son allié. Elle répondit « Voici, il faut d'abord échapper aux ennemis. Alors Ouch frappera Djéa à la poitrine et elle sera la femme d'Aoun. » Loulambre ne comprit qu'une partie de la réponse. Une joie fervente entra dans son cœur. Il ne vit pas qu'Ouch était triste. Elle ne comprenait pas pourquoi il préférait cette jeune fille flexible à la femme chef, aux mains musculeuses et aux lourdes mâchoires. Le lendemain et le surlendemain, la fuite continua. Maintenant, le fleuve était tout proche. Une ligne de rochers parut qui ressemblait à celle où gîtait le félin géant. Aucun indice n'annonçait les ennemis. Ouch, elle-même, commençait à croire qu'ils avaient renoncé à la poursuite. Pour en être sûre, elle monta avec Aoun et Zour sur un roc élevé, d'où l'on dominait l'espace. Parvenus sur la cime, ils virent à grande distance le fleuve qui s'infléchissait entre deux steppes. Puis, plus loin, à l'orée d'une jungle, des formes verticales qui s'avançaient. Les hommes d'eau, le fit Ouch. Aoun s'assura que leur nombre n'avait pas décru et remarqua. Ils ne suivent pas notre trace. Ils la trouveront, affirma Ouch. Zour ajouta pensif. Nous devons traverser le fleuve. C'était une tentative à peine possible aux meilleurs nageurs, et les crocodiles abondaient dans la vase, sur les îles, sur les promontoires. Mais les Wa connaissaient l'art de passer sur les eaux à l'aide de grosses branches ou de troncs fendus, reliés par des lianes et des tiges. Zour emmena la troupe jusqu'à la rive du fleuve où foisonnaient les peupliers noirs. Deux troncs échoués dans un havre rendirent la construction plus rapide. Avant le milieu du jour, le radeau se trouva prêt. Mais l'ennemi était proche. On discernait son avant-garde au tournant à une distance de 3 à 4 000 pas. Quand l'esquive se détacha de la rive, les Chéléens poussèrent une vociration retentissante. Aoun répondit par le cri de guerre, tandis que les femmes hurlaient comme des louves. Les fugitifs dérivaient obliquement. Comme ils étaient en amont, ils se rapprochaient de leurs ennemis. et les deux bandes finirent par se trouver face à face. Une distance de 200 coudées à peine les séparait. On voyait les Chiléens assemblés sur un promontoire, au nombre de 29, tous trapus, avec des mâchoires de dôle et des mains musculeuses. Une férocité violente faisait reluire leurs yeux circulaires. Plusieurs firent mine de se jeter à la nage, mais un python et plusieurs crocodiles apparaissaient parmi les lotus. Cependant, Aoun, Zour et les femmes, à l'aide de branches, faisaient dévier l'embarcation. Elle passa entre deux îles, tournoya sur elle-même, revint un moment vers la rive où se tenaient les hommes d'aule, puis se dirigea vers le sud-est. Enfin, elle atterrit sur l'autre rive, et les femmes insultèrent les Chéléens. La troupe s'enfonça dans la jungle jusqu'à ce qu'elle fût arrêtée par un affluent du fleuve. C'était un cours d'eau peu profond dont on pouvait facilement suivre le lit. Mais auparavant, Zour fit couper en fragments la peau d'un Rucervus, et il expliqua qu'au sortir de la rivière, chacun s'emmailloterait les pieds. Ils débarquèrent sur un cap rocheux, et tous ayant les pieds enveloppés, on aspergea d'eau le lieu de la halte. « Zour est le plus rusé des hommes !» s'exclama Loulam. « Les hommes d'eau le croiront reconnaître le passage d'un troupeau. » Cependant, les Chéléens avaient si souvent retrouvé la piste que jusqu'à la nuit les fugitifs marchèrent sans relâche.